Chapitre 316. La recommandation pour celui qui a juré de faire une chose, puis s'est rendu compte qu'un meilleur choix s'offre à lui, d'opter pour ce choix, puis d'expier son serment. 1715. Selon Abdurrahman ibn Samura, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Lorsque tu jures de faire une chose, puis que tu te rends compte qu'une deuxième est meilleure, alors choisis la deuxième et expie ton serment. » Al-Bukhari et Muslim. 1716. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque jure de faire une chose, puis s'aperçoit qu'une autre est meilleure, doit opter pour cette dernière, puis expier son serment. » Muslim. 1717. D'après Abu Musa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Par Allah, et si Allah le veut, chaque fois que je jure de faire une chose, puis que je me rends compte qu'une autre est meilleure, j'expie mon serment et j'opte ensuite pour le meilleur choix. » Al-Bukhari et Muslim. 1718. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit que l'un d'entre vous persiste à remplir un serment allant à l'encontre de sa famille et pire auprès d'Allah ta'ala que l'expiation de ce serment qu'Allah lui a prescrite. Al-Bukhari et Muslim. 1719.